Bon, le dernier audio par rapport à la croyance puis la compensation, ça a eu, si on peut dire, un certain succès. Puis bon, comme pas besoin de penser, pas besoin de réfléchir, bon, ben pourquoi pas continuer à propos des croyances puis de la compensation. De toute façon, tant qu'à être capable de le parler avec facilité, puis que c'est encore là, bon, ben on va continuer. Donc, la croyance comme compensation, c'est la mesure d'une incapacité, un remède personnel. La croyance en dit souvent plus long sur l'incapacité, les limitations que sur qui vous êtes. C'est plus sur qui vous n'êtes pas, au fond. Veux, veux pas, face à l'adversité, face au vide des secours magiques d'en haut, entre guillemets, le plafond des croyances fait défoncer. Puis, vous pouvez être sûr de ça. Ceux qui sont dans de la croyance, vous allez être testés dans vos croyances par l'expérimental. Donc, le plafond des croyances, il est fait pour être défoncé. Le désespoir, l'écœurement, le désenchantement, ça peut préparer l'individu non pas à croire du nouveau, mais en mettant ce qu'il croit entre parenthèses de force, ça peut le préparer à voir du nouveau. Être désabusé du monde est bon signe. C'est si à mesure que vous brûlez de la naïveté, vous êtes prêt à admettre que les choses ne sont pas comme vous pensiez, ne sont pas comme vous voulez, que c'était une forme de croyance au fond, c'est que vous vous intégrez d'une certaine façon. Le désespoir, c'est une occasion de grandir en conscience, comme l'écœurement, ça peut donner la volonté d'abandonner du nuisible. Le désenchantement, c'est du réel qui rentre. Si vous avez une capacité intégrative, chaque fois que vous vous faites avoir, vous êtes moins naïf après. C'est pas par le raisonnement ou par l'intellect que vous allez intégrer non plus. Tout est là. Si on le voit, même pas besoin d'y réfléchir. Le but, c'est de se rapprocher de votre calme, lucide clarté, de l'éloquence de votre conscience comme vue claire, nette. L'élargissement de la conscience ne devrait pas perturber le psychologique. Pourtant, ça arrive. Notamment des désajustements dans la vie sociale. Ça doit finir par faire partie de la conscience, de la sensibilité, de l'observation à un moment donné d'être ajusté socialement. De ne pas confronter les autres à leurs croyances d'une façon inutile. Si vous faites ça, il y a quelque chose de la projection. Ça veut dire que, bon. Si vous avez une incapacité d'être ajusté en société, ça montre un désalignement. Parce que là, si vos croyances font que vous êtes rendu sauvage puis renfermé, il y a un esti de problème. OK? Un trouble dans le physique peut engendrer un trouble dans le mental, puis vice-versa. Le comportement désajusté vient d'un manque de discernement. Le manque de discernement indique une obstruction de la conscience. Plus souvent qu'autrement, donc il y a un conflit, une congestion dans les structures plus basses, on peut dire. Votre corps vital est rattaché à votre corps physique, votre émotionnel est rattaché à votre âme, puis l'esprit, ben, c'est rattaché à votre mental. Dans le sens, s'il y a un contact avec l'esprit, ça va se faire par le mental. Ça, c'est pas de la croyance. C'est vérifiable par l'expérience, l'observation. Mais le jargon fait que ça a l'air compliqué. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, au contraire. Mais le monde sont conditionnés à se compliquer la vie, à réfléchir, à penser, dans leur mental polarisé, blablabla. Puis c'est pour ça qu'après, ils m'arrivent avec des énoncés qui ne tiennent pas debout. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais tout le monde sait que quand. Parce que si on prend l'exemple que je vous donne, là, par rapport à le vital, l'âme, le mental, l'émotionnel, le physique, tout le monde sait que quand on est reposé, on est en forme, qu'on a les idées claires, on a plus tendance à prendre les bonnes décisions, entre guillemets, qu'on est plus lucide quand on n'a pas de problème émotionnel, dans le fond. Si j'emploie des termes comme émotionnel, vital, mental, âme, corps, esprit, c'est simplement parce que ça englobe des phénomènes beaucoup plus vastes que l'exemple qu'on peut donner. Ça vient d'une vue, permutative, fractale, un élargissement d'un champ d'observation. Si vous cherchez un objet bleu dans la pièce, vous allez faire le tour de la pièce en scannant ce qui est bleu du regard. Ben, la croyance, c'est ça. Une lorgnette infiltre, les croyances influencent le regard, c'est évident. C'est-à-dire la façon de regarder, pas la façon de voir tant que ça, parce que soit vous voyez ou vous ne voyez pas. Le regard, ça, c'est influençable. Mais les forces de vie, le monde, votre corps, l'intelligence, votre conscience, tout ça, ça n'a rien à voir avec des croyances. Au risque d'avoir l'air quétaine, je dirais que la réponse aux prières, c'est bien souvent dans les occasions qui nous sont offertes de devenir de meilleures personnes. Ce qui ne veut pas nécessairement dire plus heureux ou qui ne souffre pas pour moi, des meilleures personnes, c'est des personnes plus conscientes. Si on observe la croyance, a toujours un objet ou des objets qui correspondent à des objets, des formes pensées, des représentations sur le plan mental. Le sujet va considérer que les croyances viennent de lui, qu'il a le choix de croire ou pas croire, même si les objets sont clairement d'origine circonstancielle, environnementale. Il s'identifiera à ces formes-là, au niveau de son identité psychologique. Mais le fait qu'il croit ou pas une forme intermédiaire d'avec le vaste espace de l'invérifiable, c'est lié à ses dispositions psychologiques, de croire ou pas à telle ou telle forme, dépendamment de son inné, son tempérament, de son acquis, de la façon dont il interprète son expérimental, selon ses aptitudes, ses capacités, sa sensibilité, son émotionnalité propre. Donc, jusqu'à un certain point, la liberté du libre-arbitre de croire à des formes ou pas, c'est une illusion. C'est une illusion. Comment voulez-vous croire à des formes que vous n'avez pas accès? Exemple. L'angoisse, ça porte à la superstition des fois. C'est une tentative de gérer l'angoisse à travers des formes, des rituels. Le moi psychologique ne peut pas gérer l'âme, ce n'est pas sa fonction. L'angoisse, c'est de la peur générale pour le moi psychologique. Une peur sans objet, face à l'invisible, des forces qu'il sent sans le voir. Comme ce n'est pas la fonction de l'intellect de gérer l'âme, l'individu peut s'adonner à la croyance en des formes, des rituels qui sont de l'ordre de l'irrationnel pour un rationaliste, par exemple. Au plus, le rationaliste y accordera que ça a une fonction psychologique et sociale. Mais au fond, le rationaliste ne tient pas compte de l'âme dans son analyse. Le corps vital, puis l'âme, c'est des forces énormes, extrêmement puissantes. La pression qu'exercent les mouvements de l'énergie dans le psychisme sur les structures du moi psychologique, la pression sur le psychologique est énorme. L'humain, dans l'animisme de son inconscience, c'est un fétichiste de la forme. Parce qu'il faut bien gérer l'énergie d'une façon ou d'une autre. Des gens qui refoulent leur libido parce qu'ils ne savent pas qu'il est possible d'envoyer l'énergie dans d'autres structures et qui se mortifient, se culpabilisent pour avoir cédé à une tentation, si on peut dire, ça en est plein. Il y en a plein d'histoires. Ça en est, ça, de l'activité de compensation. Il y en a, quand ils ont des vers d'oreille, des ritournelles dans la tête, ils récitent des Notre Père, des Je vous salue Marie. Moi, si je suis tanné d'une ritournelle dans ma tête, je la ferme, je mets ça à off, clouc. C'est pareil si je suis en public, puis que peut-être que ça serait mal vu que je bâille, que j'ai un bâillement, ben je ne le retiens pas, je ne bâille pas discrètement, j'empêche consciemment le bâillement. Pareil pour les éternuements, le hoquet, on n'est pas éduqué à agir sur l'énergie avant qu'elle se cristallise dans des formes ou qu'elle les mette en mouvement. Finalement, on nous donne des formes pour les transferts, c'est tout. On est coupé de nous-mêmes par l'environnemental, on est prisonnier de la décence, puis on est conditionné par l'environnemental à être coupé de notre réelle sensibilité. Quand je regarde des gens prisonniers de programmation de base, non intégrés, c'est comme regarder des handicapés. Les gens ont peur d'intégrer. J'ai connu une femme qui avait gagné cinq fois de suite le gros lot bingo, qui a décidé de ne plus y aller parce qu'elle avait peur que ce soit l'action du diable. J'ai vu des catholiques puis des protestants chicaner des gens à cause de la pratique du Reiki, alors qu'il est écrit dans la Bible que des gens guériraient par l'imposition des mains. En plus, certains pratiquants qui viennent du Japon sont des catholiques de lignée. Ou alors, ils chiolent contre des techniques de méditation, de yoga, qui sont souvent pas du tout reliées à l'hindouisme ou au bouddhisme, comme s'il n'y avait jamais rien eu de semblable dans le christianisme. Les congrégations, certaines congrégations s'adonnent à des exercices de méditation. Les exercices de Saint-Ignace de Loyola se rapprochent de d'autres exercices qu'on voit en Orient. Voyons là. Voyons. Si, à un moment donné, là, c'est ridicule. Si on vous achale avec ces affaires-là, puis que ça ne vous intéresse pas, c'est correct. Mais si c'est vous qui allez achaler le monde, à un moment donné, vous allez vous le faire dire de vous mêler de vos calices d'affaires. Je suis déjà parti d'une formation de Reiki parce que la formatrice, elle invoquait des morts. Puis en plus, je suis allé là pour accompagner quelqu'un qui voulait y aller. Je suis parti. J'ai pas fait, je suis juste parti, j'ai pas fait un scandale. C'est pas que je crois qu'invoquer les morts, c'est malsain, mais je trouvais la vibration malsaine. J'ai pas à réfléchir. Je suis pas parti, t'sais, je suis pas parti en faisant un scandale. Puis l'affaire de trouver que quelque chose est malsain, de sentir que c'est malsain, puis croire que c'est malsain, c'est pas pareil. J'ai pas eu à y penser, j'ai pas eu à réfléchir. On en avait des télé-évangélistes au Québec, notamment un télé-évangéliste catholique, là, je me souviens pas si vous appelez lui, là, un monsieur Lacroix. Il faisait ses prêches à côté d'un gros crucifix tout beurré de sang, que ça en était dégueulasse. Lui, il avait une vibration de marde. Dès que je le voyais, je changeais de poste. C'était malsain. Pourtant, je ne l'ai jamais écouté, mais je me souviens de l'ambiance, de la vibration du gars. Pour vous dire, chaque fois que ça passait à la télévision, puis que j'étais avec quelqu'un, puis souvent la personne qui était avec moi, puis tout d'un coup, ça passe à la télévision, me disait, regarde le crucifix, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait pris un crucifix, puis il l'avait tout beurré avec de la peinture rouge, que ça avait le plus l'air d'une décoration d'Halloween ou d'une affaire de film d'horreur qu'autre chose. Puis ça, c'est jamais ben ben bon signe. C'est jamais ben ben bon signe. Il y a plein de CAF qui lui envoyaient de l'argent à ce gars-là, puis qui emmenaient même leurs enfants là. Faut être dans un endormissement profond, pas à peu près. Vous souvenez-vous de la fille que son père et ses deux frères la violaient jusque sur son lit d'hôpital? Ça durait depuis qu'elle était toute petite. La mère au procès, quand le procureur lui demandait comment ça, qu'elle se doutait de rien, elle répondait que elle passait beaucoup de temps à des cercles de prière, à dire des chapelets. Si une mère veut être une bonne chrétienne, il faut qu'elle soit une bonne mère d'abord et avant tout. À un moment donné, c'est pas en répétant comme un perroquet avec d'autres gnochons à la lueur de lampions devant des statues. C'est pas en priorisant ça qu'on est bonne mère. Peut-être qu'elle suivait l'exemple d'une certaine institution, une mère qui fermait les yeux quand ça l'arrangeait, puis qui a abandonné beaucoup de ses enfants. Je ne me remettrai jamais ma foi dans une institution, que ce soit l'État laïque ou une autre, de la même façon que je ne remettrai jamais ma foi en des humains. Dans le fond, la foi puis la croyance, c'est pas pareil, puis c'est pas de ça qui était question. Il y en a qui voudraient ramener ça comme dans le temps du chapelet en famille à la radio. Hein? Ils l'imposeraient s'ils pouvaient. Non, non, non. Quand c'est insistant comme un témoin de Jéhovah qui se met le pied dans la porte, à un moment donné, il faut se faire respecter. Bernard y avait dit, présenter l'autre joue, ça veut dire même si tu me frappes, je ne changerai pas d'idée. Je rajouterais que si on prend ton manteau, de donner ta tunique, à mes yeux, ça revient à dire, Même si ce que je sais me met dans la merde, ce que je le sais pareil. Je ne laisserai jamais une personne m'imposer ce que je dois penser supposément dans ma tête, que ce soit le premier ministre, le pape, un imam, un rabbin ou Jeannette Bertrand. Il n'y en est pas question. Il faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc, à un moment donné, c'est juste de le voir. De voir, comme l'autre que je vous dis qui était à la TV avec son affaire, c'était tout beurré de sang, que c'était quasiment une affaire de film d'horreur. Ça, on est supposé le voir instantanément. Instantanément. Le sentir, la vibration, c'est pas une affaire, une expression de nouvel âge pour parler de quelque chose d'abstrait, puis c'est quelque chose de réel qu'on a tout ressenti, même étant enfant, auquel on s'est tout fié à un moment ou l'autre de notre vie, puis qu'on a eu raison de se fier. Hein? Parce que là, c'est rendu que les formes, puis la mémoire, puis ça nous coupe de toutes nos capacités. Pas des capacités qu'on a acquises par développement personnel, des capacités qu'on avait déjà, qui étaient déjà acquises, puis desquelles on se fait couper par une mauvaise éducation. Puis je pèse sur mes mots, une mauvaise éducation. Très, très mauvaise éducation. Bonne journée.